Donc, et nous avons donc à nos côtés Nicolas Ballet, qui est doctorant et qui, dans le cadre d'un contrat de recherche avec l'Institut national d'histoire de l'art, est en train de commencer à faire l'inventaire et l'analyse du fonds vidéo de l'École nationale supérieure des beaux-arts, ce fonds donc de vidéos anciennes sur bande demi-pouce que Martin Markowitz donc a confié à la BNF pour en assurer la numérisation il y a quelques années et donc dont l'inventaire est en cours. Donc merci à Nicolas d'être présent à nos côtés pour interroger Mathilde Ferrer, présenter quelques extraits. Et puis également donc merci à Liane Acha et Annie Claustre pour cette collaboration voilà, entre deux projets de recherche sur la vidéo qui suivent leur cours parallèlement dans des sentiers différents mais avec des contacts là qui sont évidents ce soir. Donc voilà, l'idée étant que Nicolas assure voilà, le dialogue avec Mathilde Ferrer. Et avec nous, bien sûr. Avec nous, côté. Ben merci à vous, hein, dans un premier temps, de nous donner l'occasion de présenter ce travail qui est en cours et qui est effectivement en partenariat avec la BNF et entre la BNF et l'Institut national d'histoire de l'art. Donc le programme de recherche art contemporain et cinéma, 20e, 21e siècle, dirigé depuis 2011 par Annie Claustre, conseiller scientifique à l'Institut national d'histoire de l'art, a pour ambition de mettre en perspective la question de l'image en mouvement au regard de l'histoire de l'art dans une perspective transdisciplinaire. Il interroge aussi les sources nouvelles issues des technologies contemporaines. L'un des projets de ce programme a pour ambition de mener à bien, cette année, un inventaire de deux fonds d'archives audiovisuelles inédits, déposés et conservés à la BNF. Ce partenariat, donc, entre l'INHA et la BNF, permet de questionner l'image en mouvement dans le contexte engagé des années 70, où la vidéo légère devient accessible aux militants, mais aussi aux artistes et aux acteurs des institutions culturelles. Le fonds Léa Lublin, actuellement inventorié par Thibaut Boulevin, chargé d'études et de recherches à l'INHA, ainsi que le fonds de l'École nationale supérieure des beaux-arts, dont j'ai la responsabilité, constituent des ensembles qui sont ici pensés dans leur relation à la scène artistique contemporaine. L'ENSBA de Paris, investi à partir des années 70, le domaine de la vidéo légère et constitue un corpus de 46 bandes demi-pouces d'une durée moyenne de 30 minutes. Ce corpus de vidéos, disponible à la BNF depuis 2008, témoigne de certains événements de la scène artistique contemporaine parisienne des années 70 et du climat qui régnait à l'ENSBA à cette époque-là, du point de vue de l'apprentissage et des initiatives étudiantes. La diversité des supports de création présentés par ces vidéos rend compte d'un intérêt croissant pour des pratiques artistiques pluridisciplinaires. La danse, la musique, la peinture, la performance, la sculpture, le théâtre sont autant d'éléments qui démontrent un attachement pour les nouvelles technologies. Si de nombreuses captations révèlent une première approche de la vidéo légère par les expérimentations menées par l'équipe de tournage de Mathilde Ferrer, les images qu'offre ce nouvel outil au sein de l'école indiquent des thématiques différentes. L'une concerne des captations de manifestations artistiques. Il s'agit ici essentiellement de performances effectuées par des étudiants de l'école ou par des artistes extérieurs. Un autre volet de ce corpus offre des outils d'apprentissage aux étudiants de l'ENSBA, des conférences données par des professeurs et également des cours filmés en atelier. C'est notamment le cas d'un ensemble de vidéos proposant un apprentissage des techniques de la lithographie par une description précise de chaque étape de réalisation. On identifie ici un autre ensemble constitué de reportages. Il s'agit notamment de captations d'expositions en musée ou en galerie, de micro-trottoirs relevant l'opinion des Parisiens à propos de la construction du centre Pompidou, d'entretiens avec les acteurs de la scène artistique contemporaine, des conservateurs, des galeristes, et d'entretiens d'artistes, dont l'un des plus surprenants est peut-être celui de Michel Jorniac. L'artiste présente en effet des facilités à décrire son travail. Afin de vous donner un aperçu du contenu de ce fonds, je vous propose deux extraits, dont l'entretien de Michel Jorniac, qui évoque son parcours et décrit ses recherches. Attention, d'abord, je voudrais quand même dire comment ces films ont été faits. Parce que, bien sûr. Voilà, parce que c'est parce que d'abord, ces fonds-là sont d'une qualité très moyenne. tu vois, et ça va passer après les vôtres, et je vais t'expliquer d'abord qu'est-ce que ça a été et pourquoi, avant de dépasser. Et comment arrive la vidéo, effectivement. Voilà, parce que sinon, c'est vraiment... Non. À l'école des vidéos. Bien sûr, vous pouvez peut-être introduire toutes ces vidéos. Pardon ? Bien sûr, vous pouvez peut-être introduire toutes ces vidéos. Parce que les gens, ils vont être dit, ah, pitié, quelle pénitence. Mais j'explique pourquoi ils ont des très mauvaises qualités, etc., etc., et comment ils sont, parce que c'est nécessaire. Donc, à l'école, j'avais présenté l'école à l'époque, dans les années 70 et 69, c'était vraiment complètement enfermé à toute pédagogie extérieure. C'était l'école de Paris, c'était le salon des maîtres, vous t'imagines. Donc, tout ce qui était, à ce moment-là, commençait vraiment tous les mouvements intéressants des années 70, et c'était complètement fermé. Donc, j'avais présenté, je vais aller vite, hein. J'avais présenté, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas faire l'historique en une minute. Alors, j'avais présenté un projet. Si, au contraire, c'est problématique. J'avais présenté un projet dans lequel. Il fallait ouvrir l'école aux pratiques contemporaines et surtout l'information. À l'école, dans la bibliothèque, c'était surtout l'architecture. Quand j'ai demandé, quand ils ont accepté mon projet, et j'ai demandé les livres de Victor Burgin, de Kossuth, ou même de Beuys, ça n'existait pas, ça ne savait pas. Donc il n'y avait rien comme vraiment information pour les plasticiens. C'était le vide total. Donc le projet, il a été accepté pour, pas pour la documentation, mais pour inviter des artistes et des techniciennes et des théoriciennes qui pratiquaient des autres choses que l'école ne connaissait pas et qui n'avaient les élèves et les professeurs, c'était évident. Donc j'ai eu un petit budget pour commencer à faire ça. C'était en quelle année du coup? C'était en 70. Tu ne te souviens pas plus précisément L'année 70, c'est pas possible. Ah, l'année 70, pile. D'accord, excuse-moi. Non, au contraire, mais c'est extrêmement tôt. Non, alors, j'ai eu l'argent pour un appareil de photo, tu vois, et des appareils de projection. Donc, mon souci, c'était de donner cette information aux étudiants. Donc, on a commencé, moi-même, je le faisais, j'allais dans les galeries. J'ai fait photographier les musées, et quand je voyageais les musées, j'ai photographié les œuvres qui me semblaient importantes. Et à midi ou une heure, à l'heure où les élèves ils allaient manger, on faisait des projections et des commentaires de ces diapos. Et naturellement, on n'avait pas des trucs de projection, on avait uniquement pour les diapos. Et j'invitais des gens, des artistes qui pratiquaient vraiment des autres disciplines, comme la performance, les land art, les conceptuels, etc. Donc ça a commencé comme ça. Et on a commencé à faire une diapothèque, qui me semblait qu'il était très intéressant. L'art qui se faisait à l'extérieur, c'est l'art qui faisait nos professeurs et l'art qui se faisait dans les ateliers. C'est-à-dire vraiment voir comment il avait ces décalages tellement énormes entre les unes et les autres. Donc on faisait tous les ans des diapos. Alors, quand la vidéo est arrivée, pour nous, ça a été merveilleux. On allait pouvoir interviewer les gens. À l'époque, c'était les halles. Ça commençait les halles, les ateliers d'artistes, les lieux d'artistes, après 1968. J'en dis, puis tout le monde faisait des performances dans des lieux complètement qu'il fallait les trouver. Nous, on était très au courant de tout ça. On allait, c'était merveilleux, pouvoir les filmer et les amener à l'école comme information. Pour libérer de ces carcans qui étaient l'école à l'époque. Vraiment, on allait vraiment ouvrir l'école à ces pratiques-là. Donc, qu'on avait un portable et une caméra et aucune formation. Vous verrez, c'est pour ça, voilà, je parle de la qualité, tu vois, de la vie, parce qu'on n'avait qu'une formation. Mais pour nous, c'était vraiment un activisme. On s'en foutait un peu de la qualité. Non, on n'était pas là. On voulait faire passer un message d'ouverture, de liberté, de créativité qui n'était pas. Donc notre volet principal, c'était celui-là. Donner aux étudiants des informations d'un monde qui n'était pas représenté à l'école. Même, j'avais pensé, filmer les cours théoriques, si tu veux, de façon que les élèves puissent les voir différer. Ça a été absolument impossible, de la même façon que très peu de professeurs enseignants, ils nous donnaient des photos de leurs travaux, tu vois, parce que c'était son espace personnel et qu'ils ne considéraient pas que c'était important que l'école puisse avoir un fond des photos de leur travail personnel. Après, si tu veux, il y a et après ça, la vidéo, il s'est ouvert à la création. Donc, à ce moment-là, les mouvements artistiques, il a intégré complètement l'outil vidéo, petit à petit. Alors, nous, on a invité à des représentants ici, tous les, c'est ce que nous pouvions trouver comme des praticiens de création. Et UPSIS, l'unité d'architecture, avait, eux, des équipements beaucoup plus performants. C'était l'architecture, et très vite, les architectes, ils avaient intégré la possibilité de faire des films, etc., d'architecture. Donc, ils étaient très bien équipés. Et les techniciens, on a noué des relations avec les techniciens, et la meilleure chose a été que les étudiants à nous, mais d'une façon bricolée, on n'avait qu'un porte-campagne avec des trucs dans la ceinture, avec une caméra branchée, si tu veux, c'était absolument... Et les élèves, ils ont commencé à vouloir les faire. Et nous, hors de toute administration, hors de toute structure, on leur prêtait les matériels. Et ils payaient les bandes, ils faisaient des bandes, et après on les passait à midi pour qu'ils voient les autres, les unes les autres, les commenter, les critiquer, avec aucune connaissance ni technique, ni encore artistique sur la vidéo, la vérité. Mais c'était comme ça que ça se faisait, et ça s'est passé comme ça. Et pour les UP6, un des étudiants qui était venu dans un échange, il a eu une idée merveilleuse, il a voulu faire un film dans lequel lui et sa copine, toutes nues, ils imiteront les WC de Rodin. Quand le garçon, qui est un jeune garçon charmant, il a vu le projet, il a dit ah, on les fait en UP6. Et à partir de là, ça a été l'ouverture, il nous a facilité toujours la vie en pensant qu'on allait toujours tomber sur des bandes comme ça. Mais enfin, n'empêche que les étudiants se débrouillaient pour aller monter les vidéos ailleurs et dans des institutions, À l'époque, les centres culturels commençaient à avoir des montages vidéo que nous n'avions pas. Donc, et ça, c'est comme ça. Et pour te dire que ces fonds-là, c'est ce qui reste. Parce que, comme on avait très peu d'argent, quand on a commencé à filmer et interviewer les artistes dans des expositions, comme à moi, c'est ce qui m'intéressait, c'est que l'information passe. Les archives, je n'avais aucune conscience de qu'il fallait. Il fallait vraiment les faire de façon que les étudiants forçaient l'administration en voyant que les élèves venaient, qu'ils participaient, à qu'il aille un département vidéo. C'était mon souci, si tu veux. Surtout pas les faire moi-même, qu'il aille un département vidéo, parce que je n'étais pas technicienne et je ne savais pas filmer. Mais comme à l'époque, on pensait que la vidéo était très facile, hein. C'est beaucoup plus facile que le film. Il filme avec peu de lumière. Naturellement, les sons sont toujours très mauvais, parce qu'on n'avait pas de... Mais on était dans cette espèce d'optimisme, et comme le but que nous voulions était l'autre, la qualité, tout ça, et les archives, donc on utilisait une vente jusqu'à qu'il n'en pouvait plus, tu vois, c'est ce qui reste, ce que vous avez hérité, c'est vraiment c'est ce qu'il a resté, parce qu'on ne les a pas volés, on ne les a pas amenés ailleurs, ou les centres culturels nous demandaient, si tu veux, quand ils avaient fait des projections ou une performance, c'est ce que vous n'avez pas, alors on les prêtait, et après, avec les écoles d'art, on a créé les arts en réseau. C'est-à-dire, on donnait un argent au départ et après tous les ans, et on achetait des ventes qui devaient circuler dans les écoles d'art. Mais ça a marché à un certain moment. Mais après, c'était très difficile. Il fallait s'envoyer pour la poste, il fallait qu'ils arrivent, tu vois, je veux dire. C'était vraiment un truc. C'était sur quelle période ? C'est après 80. Oui. Et Dominique Belloir, c'est elle qui a créé le département ou il y a eu quelqu'un avant ? Pas du tout. Ah oui, elle est arrivée plus tard. Elle est arrivée plus tard. Ouais. Le département des vidéos, il a été créé en 92 et j'ai 5 minutes, j'arrête. Hein. C'est-à-dire qu'après ça, si tu veux, nous on a continué à faire des ventes, mais la vidéo évoluait très vite, il fallait des matériaux nouveaux, des matériaux différents. Et nous, on n'était pas un département vidéo. Moi j'étais censée vraiment, on a créé les ateliers d'artistes artistes invités, on a créé un journal, on a créé beaucoup, beaucoup de choses. Et si tu veux, de moins en moins, on avait des possibilités de continuer à mener à l'école avec la vidéo des informations. Donc, surtout, on a privilégié inviter des gens qui avaient des pratiques vidéo. Et comme les élèves, ils étaient très demandeurs, forcer à l'administration à qu'ils puissent avoir un enseignement vidéo et un enseignement photo, qu'il n'y en avait pas. La performance, tu n'en passes pas. Mais on a invité à Marina Abramovic, à Victor Bourguin, des théoriciens ici. Et qu'ils venaient, et naturellement, ils demandaient à l'administration, mais est-ce que vous avez ça et ça? Et l'administration répondait non. Mais ça, ils n'étaient pas honteux. Nous, on était honteux. Eux, ils n'étaient pas honteux, puisqu'ils considéraient que vraiment la vidéo, il avait la télé et il avait le cinéma. Et la vidéo, c'était des bricoleurs qui disaient que c'était des artistes. Voilà. Donc, si tu veux, c'est comme ça, si tu veux, que nous, peu à peu, on a abandonné la pratique de la vidéo, parce qu'on n'avait ni le matériel. Et en plus, on pouvait déjà, à Casa Martin, vraiment acheter ou louer des ventes, que c'était une galère. Parce que acheter des ventes à l'époque, c'était de tout, des Américaines beaucoup, Allemandes, Anglaises, et les faire venir, ça coûtait une fortune. Et avait des droits et tout ça, c'était une galère terrible pour montrer l'art vidéo international à l'école. Mais on réussissait grâce à elle. Et grâce à Vemann, à beaucoup d'autres réseaux ici présents, qu'ils ont été toujours très, très collaborateurs et très importants pour la formation de nos élèves, c'est la vérité, grâce à qu'ils avaient ces institutions, bien sûr. Donc, finalement, en 92, il a eu les premiers départements vidéo, que c'était vraiment des matériaux avec une personne qui, technicien, qui se connaissait dans la vidéo, et que petit à petit, il a structuré, qui s'appelle Monique Bonaldi, qui était là, elle est partie. Et petit à petit, ça a structuré, avec la collaboration avec Martine et avec beaucoup d'autres institutions, il s'est créé un cours qui aujourd'hui, il est un cours en enseignement, mais qu'il a mis quand même longtemps à arriver à sa vitesse de croisière, puisque les moyens étaient peu et l'enthousiasme des élèves beaucoup, mais pas ni les professeurs ni l'administration. Voilà. Donc, que plus ou moins, ça je vous ai dit, grosso modo, c'est comme ça que le département s'est monté. Donc, qu'est-ce que vous avez hérité? C'est ce qui reste. Beaucoup de conférences, beaucoup de performances filmées. Parce que notre idée, c'est vraiment garder, par exemple, filmer les conférences, parce qu'on en faisait beaucoup, et pouvoir que les élèves puissent les lire après. Mais comme on n'avait pas d'éclairage, on n'avait pas de son, c'était tellement mauvais que finalement, on les réutilisait, si tu veux. Parce que c'était vraiment de mauvaise qualité. Et du point de vue de la sélection des artistes et des intervenants pour les conférences, est-ce que ça partait d'un projet bien défini ou est-ce que non, ça venait réalité, au fur et à mesure? En réalité, les projets que nous avions, enfin, quand on a créé, après on a créé la salle d'actualité, c'était vraiment un lieu dans lequel on ne conservait pas, on informait les étudiants, ils avaient à disposition des revues, ils avaient à sa disposition toutes les structures professionnelles nécessaires pour un artiste, et théoriques et actuelles, et des recherches. Mais mon projet n'était absolument pas faire une médiathèque comme ça a été fait après. Mon projet, c'était faire un lieu de passage dans lequel les idées circulaient et à la demande des étudiants, on invitait des gens et en fonction de nos possibilités d'argent et en fonction des mouvements. C'est-à-dire, c'était le moment de la libération sexuelle, c'était les phares, ils étaient à l'école, nous on avait des relations avec eux, c'était tous les mouvements féministes, c'était tous les mouvements néocolonialistes, c'était le structuralisme, c'était philosophiquement tous les très importants. Donc c'est ce que nous voulions, c'est vraiment que les étudiants, ils saillent les notions minimum théoriques pour pouvoir, et à côté, la vie professionnelle, tout ce qui est comment ça fonctionne en milieu professionnel, qu'il ne soit pas l'art bohème, qu'il soit un art vraiment professionnel quand il sort de l'école. Et tout ça avait besoin de beaucoup d'informations, et il avait besoin de cohérence et de relations d'ensemble. La théorie abstraite de l'art a besoin aussi de vases pratiques, tu vois, je veux dire. Donc ça a été vraiment dans un souci d'information. Après, on a vu la dimension énorme de l'art vidéo et on a voulu essayer de que l'école puisse avoir un département vidéo. parce que c'était un outil de création. Donc toutes ces vidéos au départ étaient quand même destinées aux étudiants, et est-ce qu'elles étaient diffusées à l'intérieur de l'école, en fait, on les diffusait à l'intérieur de l'école, on mettait des affiches, on disait projection à midi, c'était toujours à, parce que l'après-midi c'était pour les conférences avec des invités, alors on disait projection des élèves, ils avaient des affiches, projection des, voilà, et on passait soit les vendre des interventions avec, dans les galeries ou dans des artistes qui avaient fait des performances. Par exemple, au Hall, il y avait, par exemple, si tu veux, il y avait Orlando Furioso, il y avait Cage qui a fait son premier concert pratiquement à Paris, il l'a fait là-bas. Il y avait beaucoup, et c'était extraordinaire tout ça. Et on pensait vraiment si les étudiants pouvaient voir tout ça. C'est... Donc, c'est dans cet propos, vraiment. Et c'est pour ça que les ventes, je veux dire, parce qu'après il y a eu un technicien, mais aussi un bricoleur qui savait former lui-même, qui n'avait vraiment pas du tout comme eux, qui sont eu depuis le début des gens professionnels qui travaillaient. Nous, pas du tout, tu vois. Ah, bien sûr. Mais en fait, nous, on pensait que la vidéo était facile. L'équipe était constituée de deux personnes. Il y avait deux personnes qui vous... On était trois. Trois. Oui, mais pas de technicien du tout. J'ai... Oui, bien sûr. Voilà, c'est tout. On peut peut-être, pour se rendre compte, pour se donner une petite idée en fait, du contenu du fond, sur vraiment juste deux exemples, hein, sur 46 vidéos, commencer par l'entretien de Michel Jean.